temps, Vivaldi, action, viva for life. Vanité, à quoi bon, tout est vain, ou presque, ici plutôt c'est la bière. C'est la mer au creux du verre, jusqu'à mise en bière, dans l'impossible quiétude, le vertige de la vie. Et pourtant, elle pousse en vertige, sur sa verte tige, elle danse dans le vent, la rose des vents. Tous azimuts, on la danse, danse, danse. Dans le tournis, le vertige, puis syncope, et on valse dans les pommes. Vagale le malaise, compoté d'innocents dans les vergers de la haine. Étourdi l'oiselet, affaibli par le poids du monde, insupportable pesanteur, tombe la pomme sur l'oiselet, écrasé par le fruit de la vie, de l'arbre de la connaissance, par-delà le bien et le mal. Principe de base de la philosophie naturelle, moderne pesanteur qui nous tire vers le bas. À la foire aux angoisses, il y a tous les manèges, tourniquet du malaise, et puis éteint. Rendons grâce, adieu petit oiselet, lancez les osselets, élisez les signes du temps. Tourne le vent, la roue de la fortune, tendez l'oreille, écoutez-les ces oiseaux de mauvais augure. Dans le temple, scrutez les cieux, là où scintillent vos rêves, miroir de l'illusion des lendemains qui chantent, et puis s'éteint, comme le chant de l'augure qui inquiète ou réjouit.